Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film pour petits et grands. Le delta de l'Okavango en Afrique est désormais le dernier paradis terrestre où les animaux peuvent s'ébattre en toute liberté. C'est là que Billy, le suricate, et son meilleur ami Socrate, un lion végétarien, attendent l'événement de l'année, la crue qui inonde le delta et assure la survie de tous. Pourtant, cette fois, l'eau n'est pas au rendez-vous. Dans la savane, tout animal sait ce qu'il doit faire pour survivre. Junior ? Oui, maman ? Tu sais où est ton père ? Il est allé chercher de l'eau. Pas un pas de plus ! Oh, Billy ! T'inquiète, je contrôle la situation, ma chérie, je suis au top. Mais ? Toute l'eau qui nous vient des montagnes devrait déjà être là à cette époque de l'année. Pour sauver leur habitat. Ma famille a besoin d'eau. Alors tu viens avec moi. Les animaux vont unir leurs forces. Faisons plutôt ce qu'on sait faire le mieux. S'allonger et tuer le temps. Ils vont découvrir... Les réserves d'eau sont à sec. ...que pour résoudre les plus gros problèmes... Un ours polaire en Afrique. Et un... poulet. Un coq gaulois n'est pas un simple poulet. Il suffit parfois d'un petit coup de patte de ses amis. Top là. Animaux et compagnie en 3D. Il est urgent qu'on fasse quelque chose. Préparez-vous à la lutte des forces de la nature. Ça va être bien. Animaux et compagnie, un DVD métropolitain.